Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Et bonjour à toutes et tous, et c'est l'heure de retrouver le MAG sur Radioactive. Et aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre d'un jeune Nazellois qui a décidé de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Son nom, c'est Yatan. Nous l'avons croisé lors du passage du bus de l'entrepreneuriat sur le quartier de la Berry. Et il vient aujourd'hui nous raconter son parcours, son choix de créer sa propre auto-entreprise de menuiserie. Et alors, il est également plaquiste et serrurier. Et ce que ça représente de démarrer à son compte sur le territoire. Donc aujourd'hui, Yatan, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Moi je suis un amboisien, tout simplement, qui a déménagé à Nazelle. J'en avais marre d'être exploité par un patronariat qui voulait toujours engendrer des sous sur l'ouvrier. Et l'ouvrier ne voyait pas assez les choses arriver, donc du coup je me suis dit, je vais passer mon diplôme. Un coup j'ai passé mon diplôme, je me fais la main encore un ou deux ans. Après, je monte mon entreprise. Et c'est chose faite. C'est sûr, c'est pas facile. Mais bon, après, c'est juste de l'endurance et de la persévérance. Alors, pourquoi ce métier en particulier ? C'est quelque chose que tu maîtrisais déjà ? C'est un diplôme de quoi, déjà, que tu as passé ? Moi, je suis menuisier, poseur, installateur, plaquiste et serrurier. Donc, du coup, au final, ça me permet d'agir sur plusieurs zones d'action. Il n'y a que la peinture que je touche pas. Mais par contre, dans une habitation, on a tous besoin de menuiserie. Que ce soit extérieur ou intérieur, fenêtres ou aménagement, ameublement. Plaquiste, je pourrais leur faire les cloisons naturellement, c'est ça qui est bien. Après, la seule chose que je touche pas, c'est la peinture. Je pourrais leur faire les serrures. Je fais les ouvertures 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc du coup, je pourrais leur faire les serrures quand ils veulent. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette activité qui est plusieurs activités en une, en fait ? C'est le fait d'avoir plusieurs activités en une, ouais. Justement, qui est intéressant. Mm-hmm. Pas toujours la même chose. Et je pense que on s'en lasse pas comme ça. Parce qu'au bout de quelques années, on fait toujours la même chose, toujours la même chose. C'est lassant. Mm-hmm. Moi, je peux varier, je peux même changer les vitrages. Donc du coup, les grandes baies vitrées et compagnie, je peux les poser. Donc du coup, d'un chantier à un autre, c'est jamais le même. C'est ça qui est bien. Et du coup, monter son entreprise, tu le disais justement en intro, ça demande du courage, tu l'as dit, de la persévérance et puis aussi pas mal de démarches. Comment ça s'est passé pour toi ? Est-ce que tu as été accompagné et par qui ? Ça a été assez compliqué, parce que moi j'avais passé une formation pour monter mon entreprise, premièrement. Avec la chambre des métiers ? C'est ça. Mm-hmm. Entre ce qu'ils disent et le terrain, c'est pas la même chose. C'est-à-dire ? Quand ils parlent, c'est simple, c'est carré. D'accord, on est accompagné, mais par contre, pour être accompagné à 100%, une cotisation à donner en plus. Sinon après, on se débrouille par soi-même. Et quand on se débrouille par soi-même, c'est là que c'est un peu plus compliqué, mais on peut y arriver. Et quand on s'est croisé l'autre jour lors de l'avenue du bus de l'entrepreneuriat, par exemple, ça c'est un dispositif que tu connaissais ? Tu savais qu'il existait cet outil-là justement pour être aidé ? Alors moi, quand j'ai monté mon entreprise, il n'était pas dans le secteur. D'accord. Donc du coup, non. Mais c'est sûr que pour une personne qui débute, être accompagnée par une personne dans un secteur local, et non d'aller se déplacer dans des endroits où peut-être même eux ne se déplacent jamais, là, il arrive. Et donc du coup, il donne conseil. Et après, on part sur le bon chemin. Moi, j'ai dû trouver le chemin tout seul. Donc pour toi, c'est une super initiative, justement, l'avenue de ce bus qui peut aider, et voire même au financement, pas que à la mise en place, mais il y a des dispositifs aussi qui aident à financer, à débloquer des microcrédits, à pouvoir dégager des fonds pour créer son entreprise. Pour toi, c'est banco, c'est super démarche ? Ça aide. Super démarche, c'est encore d'autres choses, super démarche. Il y a d'autres démarches derrière que, malheureusement, quand on ouvre son entreprise, on ne se rend pas compte. Trouver un comptable ou faire de la comptabilité. Eh oui. Parce que des fois, on n'a pas les moyens pour prendre son comptable. Donc du coup, le soir, on veille très tard. Par exemple, ma comptabilité, des fois, je vais jusqu'à 23h. Je couche les enfants et je fais la comptabilité. Et voilà. C'est pas la vie d'un ouvrier. Un ouvrier, c'est sûr que c'est compliqué. Mais il n'y a rien de facile. Cela dit, en créant ton entreprise, tu connaissais ces à côté-là et tu savais à quoi tu t'engageais. Bien entendu, j'ai pas fait ça bêtement, parce que sinon je l'aurais jamais fait ou j'aurais abandonné dès le début. Parce que faut pas oublier qu'il faut être persévérant quand on ouvre son entreprise. On commence tout en bas, des patronats. Du coup, en termes de difficultés, alors t'as la compta, hein, tu le disais, ça c'est pas la partie la plus sympa, la plus fun à assurer, et c'est aussi de se faire connaître. Et comment tu démarches justement pour ça ? Je pose des affiches, des prospectus, et dès que j'ai l'occasion, je me fais connaître. Par exemple, quand j'ai vu... Radioactive. Radioactive dans la rue. Je me suis dit, tiens, et pourquoi pas ? On n'a pas encore essayé ça, on va essayer. Peut-être que ça va payer, peut-être que ça ne va pas payer, mais au moins j'aurais essayé. Tu as du bouche à oreille aussi qui t'aide à tourner ? Pas trop, non. Ouais. J'ai pas trop de bouche à oreille, mais bon, après... Il faut le temps que ça se passe aussi, c'est le réseau. C'est ça, c'est une jeune entreprise. Ça fait combien de temps ? Depuis le mois de mars, c'est pas énorme non plus, il faut pas oublier. Une entreprise naissante, on va dire qu'elle va bien fonctionner au bout d'un an et demi. Elle va commencer à dégager des fonds vers les coûts d'un an, et un an et demi, elle va rentrer dans ces fonds. C'est pas pareil. Et alors, à l'inverse, ça a été quoi tes premières satisfactions, le moment où tu t'es dit, ça y est, je suis vraiment à ma place, j'ai lancé mon truc, ça tourne. C'est quand on se plaît, quand on le fait, tout simplement. Si tu fais quelque chose qui ne t'intéresse pas, qui ne te plaît pas, pourquoi continuer ? Tu feras que des sales chantiers. Tandis que si tu le fais avec plaisir, avec envie, tu es obligé de le faire bien. Et c'est ça qui va rapporter le client. Eh oui, et c'est la qualité de service aussi, bien sûr. Alors, tu t'installes à ton compte ici, alors j'allais dire à Amboise, mais tu es un Amboisien qui a migré vers Nazelles, mais qui travaille du coup sur cette localité-là. Et ça représente quoi pour toi, justement, de développer ton projet sur le territoire qui t'a vu grandir ? L'envie de construire plus, justement. Développer l'environnement, son habitude de vie, tout ça. Et se dire qu'on peut travailler avec d'autres personnes, justement. Des personnes qu'on regardait de haut, qu'on se disait, bah mince. Ah, c'est un peu une revanche, quelque part C'est ça. Dans ton discours, on sent qu'il y a un peu de ça. C'est ça, un petit pied de nez, justement. Qui voit que même les tout-petits peuvent monter très haut. Bah, c'est un bel exemple, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle est là. Elle s'appelle comment ? L'atelier YK Menuiserie. Et on te trouve comment ? On me trouve sur Google, par exemple, sur des flyers que je dépose à droite, à gauche. C'est vrai que je ne fais pas beaucoup de pub internet, c'est mon défaut. C'est peut-être une carte à jouer. C'est ça, prochainement. Tu donnerais quel conseil à un jeune aujourd'hui qui te dit « Yatan, moi j'aimerais bien me lancer, mais quand même c'est compliqué, faire comme toi une auto-entreprise », tu lui dirais quoi ? Tout le monde peut y arriver. Ouais. Il est né avec deux bras, deux jambes, une tête, un cerveau qui fonctionne et des yeux pour aller où il va. Et des savoir-faire aussi. Et des savoir-faire, mais ça... Il ne suffit pas de... Bien entendu, sinon ça ne sert à rien de se lancer. Il y a une grosse dimension dont on n'a pas parlé, parce que ce n'était pas vraiment l'objet de l'émission, mais quand même, juste avant cette émission, tu nous as fait un petit freestyle au micro, là. C'est qu'à côté de ton activité professionnelle, tu as aussi une passion pour la musique. Ouais. Tu nous expliques ? C'est un défouloir, tout simplement. Bon, on va le dire, tu fais du rap. C'est ça. Voilà. Tu écris, tu composes et tu interprètes. C'est ça. Ça, c'est mon petit jardin intime. Tant qu'il n'est pas développé, il n'est pas développé. Eh ben merci, Yatan, pour ton témoignage. Donc, l'entreprise s'appelle donc l'atelier YA Menuiserie. Et t'es aussi plaquiste et serrurier. Et surtout, t'es un local. C'est ça. Force à nous. Eh ben c'est noté. Merci beaucoup à toi. Et bel exemple d'initiative locale et puis d'audace entrepreneuriale qui montre, comme tu l'as pu l'exprimer, que même jeune, on peut oser se lancer et puis se construire un bel avenir professionnel. Merci, on suivra avec attention la suite de ton parcours d'auto-entrepreneur ici sur Amboise, Nazelles et les environs. Ça me ferait plaisir. Merci Yatan. Merci, au revoir. Eh ben, on va se quitter en musique avec un titre de ton choix, allez, à ton bon vouloir. Et moi du Wé Renoir. Eh ben c'est parti. Je suis dans les caisses, dans toutes les oreilles. Business, plus rien de personnel. Je dors plus, je perds le sommeil. Je pense qu'à faire de l'oseille. Je fais plus des logs de RS3. J'écoute plus ce qui se dit sur moi. Je compte plus les haters. Je pense qu'il y en a 3 millions. Et combien de jaloux je vais faire avec 3 millions. C'est souvent ce que t'apprécies qui va te monter dessus. Donc je suis devenu très mauvais par peur d'être déçu. Je regarde pas les streams, je regarde pas les ventes. Mais je sais que j'ai fait plus que la veille et qu'il y a plus de zéro sur la feuille. Je suis l'homme à abattre, ils font les trafiquants. Ton rappeur parle de la RUE, mais il est tout le temps à patte. Je suis plus très loin du soleil. Je me traîne loin de la côte, j'suis dans les caisses, dans toutes les oreilles. Business, plus rien de personnel. J'dors plus, j'perds le sommeil. J'pense qu'à faire de l'oseille. J'suis plus des logs de RS3. J'écoute plus ce qui se dit sur moi. Ça mord dans les fils. Oh là là, j'vois plus toutes les fins du mois. Vu ce que j'fais rentrer à l'année. Ils sont morts dans le film. Oh là là, j'suis pas là pour me jeter des fermes. Ils sont morts dans les pétunias. À part dans les troncs de bœufs, j'ai pas pris la grosse tête. J'ai pris la plus grosse bête, j'suis dans la plus grosse fête. Trop de succès, attire les plus gros traits. J'l'ai fait disparaître et j'prends un billet fast track. On n'a pas perdu le nord, mais on regarde plus derrière. Des disques d'or qui pleuvent, j'en ai déjà fait deux depuis la semaine dernière. De dimanche à dimanche, tout taf c'est hallucinant. Idem seulement quand il mange. J'ai l'ingrain, retiens que quand tu dis non. Donc je regarde pas les streams, je regarde pas les ventes. Mais je sais que j'ai fait plus que la veille. Et qu'il y a plus de zéro sur la feuille. Je suis l'homme à abattre. Ils font les trafiquants. Ton rappeur passe de la RUE. Mais il est tout le temps abattu. J'suis plus très loin du soleil. Je me traîne loin de la côte. J'suis dans les caisses, dans toutes les oreilles. Business, plus rien de personnel. J'dors plus, j'perds le sommeil. J'pense qu'à faire de l'oseille. J'suis plus des logs de RS3. J'écoute plus ce que se dit sur moi. On s'en marre dans les fils. Oh là là, j'vois plus toutes les fins du mois. Vu ce que j'fais rentrer à l'année. Ils sont morts dans le film. Oh là là, j'suis pas là pour me jeter des fermes. Ils sont morts dans les pétunias. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.